J'ai fait l'amour bien jeune, je le ferai longtemps, je le ferai longtemps. J'ai fait l'amour bien jeune, je le ferai longtemps. Avec une jeune fille âgée de 18 ans, oh là là, âgée de 18 ans. Le soir dessus ces landes, j'aperçois une clarté, j'aperçois une clarté. Le soir dessus ces landes, j'aperçois une clarté. Croyant que c'est ma maîtresse qui s'en va s'en coucher, oh là là, qui s'en va s'en coucher. Tous les chiens du village s'en vont en aboyant, s'en vont en aboyant. Tous les chiens du village s'en vont en aboyant, disant dans leur langage, galant tu perds ton temps, oh là là, galant tu perds ton temps. Si j'ai perdu mon temps, moi j'ai eu de l'agrément, moi j'ai eu de l'agrément. Si j'ai perdu mon temps et ma jeunesse aussi, j'ai eu avec la belle des agréables nuits, oh là là, des agréables nuits.